بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33 فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33 رواه مسلم والبخاري. Selon Soumaï, le serviteur d'Abu Bakr ibn Abd al-Rahman ibn al-Harith ibn Hisham, selon Abu Salih al-Samman, selon Abu Hurayrah radiyallahu anha. Selon Abu Hurayrah radiyallahu anha, qui dit que des pauvres parmi les muhajirines sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit « Ô envoyé d'Allah, les gens fortunés partent avec des hauts degrés et des bienfaits persistants. » Il a dit qu'est-ce, c'est-à-dire quels sont ces hauts degrés et ces bienfaits persistants. Ils ont dit ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, et ils donnent des aumônes alors que nous, nous ne donnons pas d'aumônes, et ils affranchissent alors que nous, nous n'affranchissons pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Voulez-vous que je vous enseigne une chose par laquelle vous rattraperez ceux qui vous ont précédés et vous précéderez ceux qui vont vous succéder ?» Et personne ne sera meilleur que vous qu'une personne qui aura fait la même chose que vous. Ils ont dit « Bien sûr, envoyé d'Allah. » Il a dit « Vous glorifiez Allah. » Vous proclamez sa grandeur et vous le louez après chaque prière 33 fois. Abu Salih a dit, les pauvres des muhajirin sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit, oh, envoyé d'Allah, nos frères qui sont fortunés, les riches, ont entendu cela, ont entendu ta parole et ils font maintenant comme nous faisons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a leur dit, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Ceci est le bienfait d'Allah qu'il accorde à qui il veut. قال سمي un des rapporteurs du hadith a dit, j'en ai parlé à certains de ma famille, je leur ai rapporté ce hadith et il a dit, c'est-à-dire cette personne de sa famille, tu t'es trompé, mais il a dit de dire subhanallah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois et Alhamdulillah 33 fois. Je suis alors retourné chez Abu Salih qui a rapporté ce hadith à qui? À Soumaï. Et je lui ai cité cela. Il a dit, dis Allahu Akbar wa Subhanallah wa Alhamdulillah jusqu'à atteindre pour chacune d'elles 33 fois. حديث rapporté par البخاري ومسلم. المعنى الإجمالي معنى هذا الحديث الجليل هو أن فقراء الصحابة رضي الله عنهم شعروا بسبق إخوانهم الأغنياء بالأعمال الصالحة بفضل قيامهم بحقوق أموالهم الشرعية فغبطوهم وتمنوا لو كان لهم من العمل مثل ما لأولئك الأغنياء فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون مصيبتهم في فقد الأجر فأرشدهم إلى هذا الذكر الذي ينالون به أكثر مما فاتهم من العبادات المالية فلما قاموا بهذا الذكر سمعهم الأغنياء ففعلوا مثلهم فجاء الفقراء مرة أخرى يشكون حالهم بأن الفضيلة التي اقتصوا بها وأرادوا أن يعوضوا بها نقص العبادات المالية فعلها الأغنياء فأصبحوا يشاركونهم في العبادات القلبية والبدنية ويمتازون عليهم في العبادات المالية فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فهو الذي يقسم الأرزاق والهداية فهو الذي يقسم الأرزاق والهداية حسب حكمته وهو الحكيم العليم. Donc le sens général du hadith. Le sens de ce hadith est que les pauvres parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont ressenti que leurs frères, qui étaient riches, les avaient devancés par des actes pieux. Quelle est cette chose par laquelle ils les ont devancés ? بفضل قيامهم, lorsqu'ils ont mis en pratique les droits d'Allah Azza wa Jal dans leur argent. Lorsque ces riches utilisent leur argent dans le bien, l'argent que n'ont pas les pauvres. فَرَبَطُوهُمْ, ils ont eu de la ribta envers eux. Et la ribta, c'est le fait de vouloir ce que son frère a, sans pour autant espérer que cela lui soit ôté ou retiré. C'est autre que la jalousie qui est le fait de vouloir ce qu'une personne a, mais avec l'intention que cette personne n'ait plus cette chose. Donc, ces pauvres ont été pris de ribta, c'est-à-dire qu'ils veulent aussi avoir de l'argent pour pouvoir le dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans pour autant bien sûr que ces riches ne soient privés de leur richesse. Ils sont alors partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de cela et de ce manque de récompense qu'ils ont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors enseigné un rappel qui, lorsqu'ils le diront, leur permettra de dépasser et d'être meilleur en termes de bienfaits et de récompenses que ceux qui donnent en aumône de leur argent. Et lorsqu'ils ont fait ce dhikr, c'est-à-dire les pauvres, bien sûr les riches les ont entendus, car cela se fait à voix haute dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, mais aussi après la salat. Et dans la mosquée, on ne différencie pas entre le riche et le pauvre. Donc le riche, certainement, pouvait s'asseoir à côté du pauvre et entendre le pauvre dire ce tasbih, ce tahmid, ce takbir. Ils les ont donc entendus. Ils se sont donc renseignés et ont, car ce sont des compagnons du professeur sallam, ont appliqué la sunna du professeur sallam sur le champ. Ils ont alors fait comme les pauvres. Et ces pauvres sont venus une nouvelle fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre que cette faveur qu'ils avaient ou que leur avait donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils n'en sont plus les seuls détenteurs. Mais que maintenant, eh bien, les riches aussi utilisent ce rappel bénéfique qu'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ainsi, les riches sont donc similaires aux pauvres à la fois dans les adorations en rapport avec le cœur et en rapport avec le corps, et ceci, lorsque l'on dit le corps, entre dans cela la prière, mais aussi le rappel. Donc ils sont égaux aux pauvres dans cela, mais ils sont supérieurs aux pauvres dans les adorations en rapport avec l'argent. Et le prophète Hassan leur a dit, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُتِي مَنْ يَشَاءَ, ceci est le bienfait d'Allah qu'il accorde à qui il veut. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui distribue la pourvoyance et qui guide comme il veut subhanahu wa ta'ala, et ceci selon sa sagesse. Et Allah azza wa jal est le tout sage et celui qui est savant de toutes choses subhanahu wa ta'ala. Ma yu'khadhu min al-hadith. Awalan, rahbatu as-sahabati radiyallahu anhum al-shadid fil khayr wa tanafusihim بالأعمال الصالحة فالفقراء شق عليهم حرمانهم من العبادات المالية والأغنياء لم يكتفوا بغناهم عن مشاركة الفقراء في كل أبواب الخير ولعل الله عز وجل يعطي الفقراء بفضله وكرمه ولعل الله يعطي الفقراء بفضله وكرمه من الأجر على قدر نيتهم الطيبة. Tout d'abord, ce qu'on retient de ce hadith, c'est la motivation des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur grande motivation à faire le bien, et leur concurrence dans les œuvres pieuses. Les riches, les pauvres afouan, étaient durs pour eux le fait qu'ils ne puissent pas donner des aumônes. Et les riches ne se contentaient pas uniquement de donner en aumône, mais ils faisaient les autres adorations également. Et Allah Azza wa Jal peut donner par son bienfait et sa bonté subhanahu wa ta'ala aux pauvres la récompense de leur intention. Le pauvre qui a envie de donner et qui a l'intention de donner de l'argent mais qui n'en a pas les moyens. Et bien Allah Azza wa Jal, sûrement, comme le dit Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, sûrement les récompensera par cette bonne intention qu'ils ont. ثانيا الحديث يدل على فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر لما دل لما له من الأعمال وهذه مسألة طويلة الخلاف بين العلماء. Deuxièmement, ce hadith prouve le mérite du riche reconnaissant vis-à-vis du pauvre patient. Car le riche reconnaissant a plus d'actes que le pauvre patient. Et comme le dit Cheikh Al-Bassam, ceci est un sujet de divergence, de grande divergence chez les savants. Les savants ont divergé qui était le meilleur. Était-ce le riche qui est reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azzawajal, autrement dit qui est riche mais qui utilise sa richesse dans le bien, qui donne d'abord ce qu'Allah Azzawajal lui ordonne de donner, comme la zakat et autres, mais il fait plus que cela en donnant des aumônes surérogatoires. Et plus une personne fait des bonnes œuvres, et plus elle a des récompenses, et donc plus elle a de mérite. Et donc ils ont divergé, est-ce que c'était ce riche-là, ou est-ce que c'était le pauvre? Le pauvre qui n'a pas la richesse des autres, qui est dans la pauvreté. Et être dans la pauvreté, ce n'est pas une chose qui est simple. Une chose qui demande de la patience. Une chose qui demande de la patience. Et la patience est un effort qui est produit. Lorsqu'on patiente, eh bien, c'est des efforts que tu produis. Lorsque tu patientes dans la faim et dans la soif, lorsque tu patientes dans le fait que tu ne puisses pas donner à ta famille ce qu'il leur faut pour vivre correctement, c'est quelque chose qui demande de la patience. Et ça demande de la patience déjà dans l'état dans lequel tu es, mais aussi tu vas devoir patienter pour ne pas tomber dans le haram. Car celui qui est pauvre et qui a du mal à supporter sa pauvreté, qu'est-ce qu'il va faire s'il ne craint pas Allah Azza wa Jal? Mais il va faire en sorte d'avoir de l'argent de façon illicite, soit en fraudant, soit en volant, soit en rentrant dans, en faisant un travail qui est illicite mais qui rapporte de l'argent, etc., etc. Donc tout cela demande de la patience. Et le patient, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, إِنَّمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ, qu'Allah Azza wa Jal accorde à celui qui patiente une récompense sans limite. Allah Azza wa Jal donne une récompense au patient, une récompense qui est sans limite. Allah Azza wa Jal est le seul qui connaît le degré de récompense de ceux qui patientent. Et les mérites de la patience sont extrêmement nombreux. Et le professeur Asselam était-il riche ou était-il pauvre? Pauvre. Et le professeur Asselam a dit, Allahumma hashurni fi zumrati al-masakin, oh Allah, fais-moi ressusciter avec le groupe des pauvres. Donc il y a d'un côté les riches qui sont reconnaissants, Et d'autre côté, d'un autre côté, les pauvres qui sont patients, lesquels sont les meilleurs? Les savants ont divergé. Et ce hadith-là est une preuve apportée par ceux qui disent que le riche reconnaissant a plus de mérite que le pauvre patient. Ce n'est pas, on ne tranche pas dans ce sujet aussi facilement, mais le hadith que l'on a cité est une preuve pour ceux qui disent que les riches reconnaissants ont plus de mérite que les pauvres patients. ثالثا إن الإنفاق في سبيل الخير سبب رفع الدرجات قال ابن القيم فالغني إذا اتقى الله في ماله وأنفقه في وجوهه وليس مقصورا على الزكاة بل مما حقه إشباع الجائع وكسوة العاري وإغاثة الملهوف ورعاية المحتاج والمضطر فطريقه طريق الغنيمة وهي فوق السلامة فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الفقراء على ما للأغنياء من هذه الرفعة بسبب إنفاقهم بسبب إنفاقهم. Il dit, troisièmement, ce que l'on retient du hadith, c'est que le fait de dépenser dans le sentier d'Allah est une cause qui permet de monter en degré, d'avoir des degrés plus élevés. Al-Imam al-Qayyim rahimahullah a dit, le riche qui craint Allah Azza wa Jal dans son argent et le dépense dans les sentiers bénéfiques, sans se contenter uniquement de la zakat, mais donne à celui qui est affamé, habille celui qui est dénudé, aide et réconforte celui qui est attristé et opprimé, eh bien, la voie qu'il aura atteint, qu'il aura prise, pardon, est une voie dans laquelle il gagnera et il récoltera des bonnes actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a admis et a attesté de ce bienfait des riches par rapport aux pauvres. Lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Ceci est le bienfait d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Autrement dit, les riches sont meilleurs que vous, mais il faut accepter cela car c'est Allah Azza wa Jal qui donne la pourvoyance. Et il y a dans ce partage de la pourvoyance de la part d'Allah Azza wa Jal la sagesse divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. رابعا فضل هذا الذكر المذكور في هذا الحديث حيث كان سببا في سبق من يقوله في أدبار الصلوات في الثواب وأنه لا يلحقه أحد إلا من عمل مثل عمله لما يحصل لنفسه من تطهير ولأخلاقه من رياضة. Quatrièmement, il y a bien sûr ce que l'on retient, le mérite de ce rappel cité dans ce hadith, car celui qui le dit après chaque prière a une récompense que personne ne peut avoir sauf une personne qui aura dit la même chose. خامسا إن الهداية والرزق بيد الله فهو الذي يقسمها بين عباده فينبغي أن يرضى بقسمة الله تعالى. Cinquièmement, que la guidée ainsi que la pourvoyance sont entre les mains d'Allah. C'est lui qui la partage et qui la distribue à ses serviteurs. Et il est demandé donc d'être satisfait du partage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sadisan, mashru'iyyatu hadha al-dhikri ba'da al-salawati al-maktubat, kama warada fi ba'di riwayati taqiduhu bil-maktubah, wa an yakuna bihadihi al-sigha, fal-tasbihu yatadammanu nafya al-naqaisi anillahi ta'ala, ثم التحميد المثبت له الكمال ثم التكبير المثبت له صفات العظمة واستظهر ابن القيم أن تكون الثلاث والثلاثون من جميع كلمات التسبيح والتحميد والتكبير. Sixièmement, on retient de ce hadith qu'il est légiféré de dire ce rappel après les prières obligatoires, comme cela est rapporté dans certaines versions de ce hadith qui viennent restreindre ce rappel, c'est-à-dire de dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 33 fois Allahu Akbar après les prières obligatoires et non pas après les prières surérogatoires. فالتسبيح, le fait de dire subhanallah, la signification de subhanallah, qu'Allah Azza wa Jalla soit exempt de tout défaut. ثم التحميد, tu loues Allah Azza wa Jalla, ceci car tu attestes qu'Allah Azza wa Jalla est parfait. Et التكبير, tu proclames sa grandeur car tu admets et tu attestes qu'Allah Azza wa Jalla est l'immense. Et l'imam al-Qayyim, rahimahullah, a pour avis que ces 33 fois se disent pour chacune des paroles. Subhanallah, walhamdulillah, wa Allahu Akbar. Et il faut savoir que dans le dhikr après la prière, il y a plusieurs façons de faire le dhikr après la prière. Concernant le tasbih, le tahmid et le takbir. Premièrement, il y a le fait de dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, et de finir la centième fois par La ilaha illallah, celle-ci est authentique. La deuxième, de dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. La deuxième façon. La troisième façon, c'est de dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, et Allahu Akbar 33 fois. Et quelle est la preuve? Le hadith de Soumaï. Non, le hadith de le hadith qu'on est en train de Soumaï, na'am, Mawla Abi Bakr, est une preuve que l'on dit 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, sans dire La ilaha illallah en terminant le centième, ni sans dire 34 fois Allahu Akbar. Il y a ensuite une autre façon qui est de dire Subhanallah 10 fois, Alhamdulillah 10 fois, Wallahu Akbar 10 fois. Celle-ci aussi est authentique, apportée par dans les sunnans, notamment dans les sunnans d'Abu Daoud et de Tirmidhi. Le hadith est authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Combien on a dit là? Non, pas 3, 4. Taïb. Il y a aussi le fait de dire Subhanallah 25 fois, de dire Alhamdulillah 25 fois, de dire La ilaha illallah 25 fois, et de dire Allahu Akbar 25 fois. Ceci également est rapporté dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une sixième façon, afwan, mais celle-ci, Allahu a'lam de son authenticité, et c'est justement une divergence qui est due à ce hadith de Soumaï, qui de dire Subhanallah 11 fois, Alhamdulillah 11 fois, et Allahu Akbar 11 fois. Car Soumaï, il dit dans le hadith qu'il en a parlé à certains de sa famille. Qu'est-ce que ces personnes m'ont dit? Tu t'es trompé. Mais il a dit Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 33 fois. Il y a une différence entre dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 fois et dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 33 fois. Dans le premier, on pourrait comprendre que c'est l'ensemble qui doit faire 33. Donc c'est 11, 11 et 11. Al-Hafidh ibn Hajar n'est pas de cet avis. Il y a un hadith dans ce sens, mais le hadith est faible, apporté par Al-Bazzar, mais il est faible. Certains savants utilisent le fait qu'il est légiféré de dire 11, 11, 11 pour preuve ce hadith, car le rapporteur Abu Salih a attesté que dans une autre version de Muslim que c'était 11 fois qu'il fallait dire Subhanallah, 11 fois Alhamdulillah, 11 fois Allahu Akbar. Je n'ai pas trouvé de parole claire de savant. Il faudrait que je fasse une recherche plus poussée pour savoir quel est l'avis le plus fort concernant ces 11, 11 et 11. Mais pour le moment, les 5 que je vous ai cités précédemment, celles-ci sont authentiques. Il n'y a aucun souci les concernant. ثم قال الذكر بعد الصلاة Puis le cheikh ouvre le chapitre du rappel après la prière. وهو فقرات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Il cite une parole des paroles de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah رحمه الله. في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينصرف يستعيذ ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وفي الصحيحين أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ويعلمهم أن يسبحوا 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 33 فتلك 99 وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير ولا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات والأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء وما سواها من الأذكار قد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون فيه شرك لا يهتدي إليه أكثر الناس والذكر من أفضل العبادات ولذا قالت عائشة رضي الله عنها الذكر بعد الانصراف من الصلاة هو مثل مسح المرآة بعد سقالها فإن الصلاة تسقل القلب وليس الذكر عقب الصلاة بواجب فمن أراد أن يقوم قبله فلا ينكر عليه ولكن ينبغي للمأموم أن لا يقوم حتى ينصرف الإمام عن القبلة ولا ينبغي للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يستغفر 3 ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وعد التسبيح بالأصابع سنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء سبحنا وعقدنا بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات. Donc Cheikh al-Bassam رحمه الله cite une parole de Cheikh al-Islam Taymiyyah ou plusieurs paroles en rapport avec le rappel le zikr après la prière. Dans l'authentique, il est rapporté de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de partir, demandait la protection d'Allah à 3 reprises. Il disait, « Oh Allah, tu es le salut et de toi vient le salut, tabarak tayyad al-jalali wa l'ikram, que tu sois glorifié, oh Allah. » Et dans les deux sahih de Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il n'y a point, la ilaha illallah, personne ne mérite d'être adoré, qu'Allah seul, sans ne rien lui associer, à lui la royauté et à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Ou Allah, Allahumma la mani'a lima a'tayt. Ou Allah, personne ne peut priver celui à qui tu as donné, et personne ne peut donner à celui que tu as privé. Wa la yanfa'u dhal jaddi minka al jadd. Et la richesse du riche ne lui sera d'aucune utilité, de toi provient la richesse. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, et nous n'adorons que lui, en lui vouant un culte exclusif, et ceci n'en déplaise aux non-musulmans. Et il leur enseignait, donc c'est toujours Cheikh al-Islam Taymiyyah qui parle, et il leur enseignait de dire Subhanallah 33 fois, de dire Alhamdulillah 33 fois, de dire Allahu Akbar 33 fois, ceci pour un total de 99, et terminer le 100 en disant La ilaha illallah, personne ne mérite d'être adoré qu'Allah, point d'associer à lui la royauté et à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Et nul doute que les rappels et les invocations font partie des adorations les plus méritoires. Et les invocations et les rappels prophétiques sont les meilleurs que puisse dire une personne lorsqu'il veut faire le dhikr ou lorsqu'il veut invoquer. Et en dehors de ces rappels, elles sont, c'est-à-dire en dehors des rappels et des invocations qui ne sont pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit elles sont détestables, soit elles sont interdites, et elles peuvent même comporter de la mécréance. Et le rappel fait partie des meilleures adorations. Comme l'a dit Aïcha radiallahu anha, le rappel, après que les gens terminent leur prière, est comme le fait d'essuyer le miroir après l'avoir lustré. Lorsque l'on lustre un miroir, comment il est le miroir ? Lorsqu'on le lustre et lorsqu'on le polie, il y a une couche dessus. Mais le miroir est traité. C'est-à-dire qu'il a été nettoyé, il a été poli. Mais il faut enlever la poussière qu'il y a ou la couche qu'il y a. Et cette couche est-elle nuisible ? Non, elle n'est pas nuisible. Pour cela, que Cheikh l'Islam, rahimahullah, dit « فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَسْقُلُ الْقَلْبِ » La prière polie le cœur. « وَلَيْسَ الذِّكْرُ عَقِبَ الصَّلَاةِ بِوَاجِبِ » Et le dhikr, comme le dit Aïcha radhiyallahu anha, vient essuyer ce que la prière a poli du cœur. D'accord ? Et pour cela que Cheikh l'Islam dit, et le rappel après la prière n'est pas obligatoire. On ne peut pas dire que de dire le zikr après la prière est obligatoire. Mais celui qui veut se lever avant de faire le zikr, il n'est pas autorisé de le réprimander. On ne va pas réprimander quelqu'un qui, juste après avoir fait le salam, part sans avoir fait son zikr. Mais par contre, il doit attendre que l'imam se retourne de la qibla. Il ne doit pas partir alors que l'imam est encore face à la qibla. Et également, il est demandé à l'imam de rester face à la qibla après avoir terminé sa prière, que le temps de dire Astaghfirullah trois reprises et de dire Allahumma anta salam wa minka salam. L'imam, quand il finit sa prière, il reste en face de la qibla en disant Astaghfirullah trois fois, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta yad al-jalali wa l'ikram. Et c'est là où il se retourne. Et certains, des fois, restent en face de la qibla jusqu'à finir tout son tasbih. Et ceci bloque les gens qui prient derrière lui. Cela bloque les gens qui prient derrière lui, car il est demandé à celui qui prie derrière l'imam de ne pas partir tant que l'imam est face à la qibla. وعد التسبيح بالأصابع سنة. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a considéré le fait de faire le tasbih avec les doigts comme faisant partie de sa sunna. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit aux femmes سبحنا وعقدنا بالأصابع. Dites le tasbih et comptez avec les doigts. فإنهن مسؤولات مستنطقات. Car ses doigts seront questionnés et ils prendront la parole. Ils prendront la parole quand ? Le jour de la résurrection où Allah Azza wa Jal donnera la parole à chacun des membres et il scellera la bouche. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Le jour où nous scellerons leur bouche et leurs mains et leurs pieds nous diront ce qu'ils faisaient. Bab al-khushu'i fi s-salah. Puis le cheikh ouvre le chapitre de la concentration et l'humilité dans la prière. Al-khushu'u fi s-salati huwa ruhuha wa lubbuha wa yakthuru thawabaha aw yaqil hasba ma 'aqalahu al-musalli minha. ولذا أثنى الله تعالى على الذين هم في صلاتهم خاشعون بأنهم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولإحضار القلب في الصلاة أسباب منها الاستعاذة من الشيطان وتدبر قراءة الصلاة وأنواع الذكر فيها ومنها جعل السترة وجعل النظرة موضع السجود كما أن دخول الإنسان فيها بعد الفراغ من الشاغلات عنها كالنوم وشهوة الطعام والشراب من أقوى أسباب إحضار القلب، ولذا نهي عن الصلاة حال حضور الطعام أو مدافعة الأخبثين، لأن في ذلك مشغلة عن الصلاة. وذهب الجمهور من العلماء إلى صحة صلاة من غلبت على صلاته الوساوس، ولكن مع نقص ثوابها. وذهب أبو حامد الغزالي وابن الجوزي إلى بطلانها. Chapitre de l'humilité et de la concentration dans la prière. La concentration dans la prière est l'âme de cette prière, walubbuha, et c'est son noyau. Et la récompense de la prière augmente ou diminue selon ce que le prière aura résonné pendant celle-ci. Plus tu seras concentré dans ta prière, et plus la récompense sera grande. Et moins tu seras concentré dans ta prière, et moins la récompense de la prière sera grande. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a fait l'éloge en Sourate Al-Mu'minun de ceux qui sont concentrés dans leur prière. Quelle est leur récompense ? Allah Azza wa Jal a dit « يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » Ils hériteront du Firdaus, qui est le plus haut degré du paradis, « هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » dans lequel ils y resteront éternellement. Et la présence du cœur dans la prière, il y a des causes qui, lorsqu'elles sont mises en pratique, permettent d'avoir une présence du cœur, donc une concentration, une humilité pendant la prière. Parmi ces causes, premièrement, de demander la protection d'Allah contre le diable. Deuxièmement, de raisonner, de se concentrer dans la lecture pendant la prière. Une personne qui lit en se concentrant dans ce qu'elle lit, en n'ayant à l'esprit les sens de ce qu'il dit, et bien cela, bien sûr, permet aux prières d'être plus concentrées et d'avoir une humilité pendant sa prière. وَأَنْوَعِ الذِّكْرِ فِيهَا également de raisonner, de réfléchir, de méditer dans les rappels que tu dis lorsque tu fais ta prière, les rappels dans le sujoud, les rappels dans le recours, lorsque tu te lèves, etc., etc. Parmi les causes également, جَعْلُ sutra, le fait de mettre une sutra devant soi. Pourquoi ? Car quand tu mets une sutra, est-ce que tu es préoccupé de si quelqu'un passe ou pas ? Tu sais qu'il y a quelque chose et que les gens savent automatiquement s'ils passent qu'ils doivent passer derrière la sutra. Alors que si tu pries sans sutra, eh bien tu vas toujours être préoccupé « Ah, il faut que je fasse attention au cas où quelqu'un passerait. » Donc, c'est une concentration que tu donnes à la personne qui va peut-être passer, alors que tu aurais pu te consacrer entièrement à ta prière. Également de regarder l'endroit de la prosternation. Cela également permet de se concentrer. Celui qui regarde à l'endroit de sa prosternation, eh bien fixe un endroit bien précis. Ainsi, il permet de mieux se concentrer. Contrairement à ceux qui se lèvent en regardant à droite, à gauche, devant eux, etc. Également, parmi les causes qui permettent de se concentrer pendant la prière, c'est d'entrer en prière après s'être débarrassé de tout ce qui pourrait le préoccuper pendant celle-ci, comme le sommeil. Celui qui a envie de dormir et qui prie alors qu'il a envie de dormir. Est-ce qu'il sera concentré ? Non. Comme celui qui a faim ou qui a soif. Celui qui rentre en prière alors qu'il a faim et qu'il a soif, il ne va penser qu'à boire ou à manger. Il faut donc entrer en prière après s'être débarrassé de tout ce qui pourrait le préoccuper, c'est-à-dire en dormant, avoir pris le temps de dormir pour ne pas être fatigué, et avoir pris le temps de manger et de boire pour ne pas avoir soif et faim. Et ceci fait partie des meilleurs moyens et des moyens les plus forts et les plus radicaux qui permettent de pouvoir se concentrer, d'avoir une présence du cœur pendant sa prière. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier en présence d'un repas. Et il nous a également interdit de prier sallallahu alayhi wa sallam lorsque l'on est poussé par les deux orifices, lorsqu'on a une envie d'uriner ou autre, eh bien, il n'est pas légiféré aux musulmans de prier dans cet état, car cela le préoccupe et il ne peut en aucun cas être concentré. Et la majorité des savants considèrent valide la prière de celui qui, pendant sa prière, a plus de waswas qu'autre chose. Celui qui, pendant sa prière, n'a été que distrait. Est-ce que sa prière est valide ou non ? La majorité des savants considèrent que cela est valide, mais bien sûr que la récompense de sa prière est diminuée. Que la récompense de sa prière est diminuée, et d'autres savants comme Abu Hamid al-Ghazali et Ibn Jawzi considèrent que la prière est nulle. Et concernant Abu Hamid al-Ghazali, c'est l'auteur de Ihya Ulumuddin. C'est un livre, je crois, qui a été traduit en français. Revivification des sciences religieuses. Ceci est un livre que les savants ont, sur lequel les savants ont mis en garde. Et Abu Hamid al-Ghazali était un philosophe. Il était connu pour être soufi. Et dans ses livres, notamment Ihya Ulumuddin, il y a énormément de hadiths faibles et mensongers et énormément d'égarements également. Et les savants ont mis en garde contre ces livres, et ceci, même les savants anciens, M. l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, ou comme Al-Qadi Iyad, qui était un savant d'où ? Qadi Iyad. Non ? Du Maroc, du Maghreb arabe, du Maghreb islamique. Et Al-Qadi Iyad était un grand savant, et parmi ses paroles, c'est que à l'époque, eh bien, au Maroc, il y avait le consensus des savants que tous les livres de Abu Hamid al-Ghazali devaient être brûlés. Donc ceux qui ont le livre Revivification des sciences religieuses, qu'ils fassent extrêmement attention à ce livre. Et certains ont prétendu que Abu Hamid al-Ghazali s'était repenti vers la fin de sa vie et qu'il est mort en ayant Sahih al-Bukhari sur sa poitrine. Allahu alam de la véracité de cela. Cheikh al-Albani rahimahullah a été questionné sur cela. Est-ce que Abu Hamid al-Ghazali est revenu vers la voie des salafs vers la fin de sa vie? Il a répondu non, malheureusement, même s'il a fait quelques pas, mais ce ne sont pas des pas significatif. Qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne et qu'il pardonne à l'ensemble des musulmans. On actifie bi hada al-qadr wa subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.